Homère, l'Odyssée, chant 14. Et Odysseus s'éloigna du port par un âpre sentier, à travers les bois et les hauteurs, vers le lieu où Athéna lui avait dit qu'il trouverait son divin porcher, qui prenait soin de ses biens plus que tous les serviteurs qu'il avait achetés, lui, le divin Odysseus. Et il le trouva assis sous le portique, en un lieu découvert, où il avait construit de belles et grandes étables, autour desquelles on pouvait marcher. Et il les avait construites pour ses ports, de pierres superposées et entourées d'une haie épineuse, en l'absence du roi, sans l'aide de sa maîtresse et du vieux Laërte. Et il avait planté au dehors des pieux épais et nombreux, en cœur noir de chêne. Et dans l'intérieur, il avait fait 12 parcs à ports. Dans chacun étaient couchées 50 femelles pleines, et les mâles couchés dehors. Et ceux-ci étaient beaucoup moins nombreux, car les divins prétendants les diminuaient en les mangeant, et le porcher leur envoyait toujours le plus gras et le meilleur de tous. Et il n'y en avait plus que 360. Quatre chiens, semblables à des bêtes fauves, et que le prince des porchers nourrissait, veillaient toujours sur les porcs. Et celui-ci adaptait à ses pieds des sandales qui taillaient dans la peau d'une vache coloriée. Et les trois autres porchers étaient dispersés, faisant paître leurs porcs. Et le quatrième avait été envoyé par nécessité à la ville, avec un porc pour les prétendants orgueilleux, afin que ceux-ci, l'ayant tué, dévorassent sa chair. Et aussitôt les chiens aboyeurs virent Odysseus, et ils accoururent en hurlant. Mais Odysseus s'assit, plein de ruse, et le bâton tomba de sa main. Alors, il eut subi un indigne traitement auprès de l'étable qui était à lui. Mais le porcher accourut promptement de ses pieds rapides, et le cuir lui tomba des mains, et en criant, il chassa les chiens à coups de pierre, et il dit au roi: Ô vieillard, certes, ces chiens allaient te déchirer et me couvrir d'opprobre. Les dieux m'ont fait assez d'autres maux. Je reste ici, gémissant et pleurant un roi divin, et je nourris ces porcs gras pour que d'autres que lui les mangent. Et peut-être souffre-t-il de la faim, errant parmi les peuples étrangers, s'il vit encore et s'il voit la lumière de Hélios. Mais suis-moi et entrons dans l'étable, ô vieillard, afin que, rassasié dans ton âme de nourriture et de vin, tu me dises d'où tu es et quels maux tu as subis. Ayant ainsi parlé, le divin porcher le précéda dans l'étable, et l'introduisant, il le fit asseoir sur des branches épaisses qu'il recouvrit de la peau d'une chèvre sauvage et velue. Et s'étant couché sur cette peau grande et épaisse, Odysseus se réjouit d'être reçu ainsi, et il dit: Que Zeus, ô mon hôte, et les autres dieux immortels, t'accordent ce que tu désires le plus, car tu me reçois avec bonté. Et le porcher Eumaios lui répondit: Étranger, il ne m'est point permis de mépriser même un hôte plus misérable encore, car les étrangers et les pauvres viennent de Zeus. Et le présent modique que nous leur faisons lui plaît, car cela seul est au pouvoir d'esclaves toujours tremblants que commandent des jeunes rois. Certes, les dieux s'opposent au retour de celui qui m'aimait, et qui m'eût donné un domaine aussi grand qu'un bon roi a coutume d'en donner à son serviteur, qui a beaucoup travaillé pour lui, et dont un dieu a fait fructifier le labeur, et aussi une demeure, une part de ses biens et une femme désirable. Ainsi, mon travail a prospéré, et le roi m'eût grandement récompensé, s'il était devenu vieux ici, mais il a péri. Plutôt Dieu que la race des Hellènes eût péri entièrement, puisqu'elle a rompu les genoux de tant de guerriers. Car mon maître aussi, pour la cause d'Agamemnon, est allé vers Ilios, nourrice de chevaux, afin de combattre les Troyens. Ayant ainsi parlé, il ceignit sa tunique, qu'il releva, et allant vers les étables où était enfermé le troupeau de porcs, il prit deux jeunes pourceaux, les égorgea, alluma le feu, les coupa et les traversa de broches, et les ayant fait rôtir, les offrit à Odysseus, tout chaud autour des broches. Puis il les couvrit de farine blanche, mêla du vin doux dans une coupe grossière, et s'asseyant devant Odysseus, il exhorta à manger et lui dit: Mange maintenant, ô étranger, cette nourriture destinée aux serviteurs, car les prétendants mangent des porcs gras, n'ayant aucune pudeur ni aucune bonté. Mais les dieux heureux n'aiment pas les actions impies. Et ils aiment au contraire la justice et les actions équitables. Même les ennemis barbares qui envahissent une terre étrangère, à qui Zeus accorde le butin, et qui reviennent vers leur demeure avec des nefs pleines, sentent l'inquiétude et la crainte dans leurs âmes. Mais ceux-ci ont appris sans doute, ayant entendu la voix d'un dieu, la mort fatale d'Odysseus. Car ils ne veulent point rechercher des noces légitimes, ni retourner chez eux, mais ils dévorent immodérément, et sans rien épargner, les biens du roi. Et toutes les nuits et tous les jours qui viennent de Zeus, ils sacrifient non pas une seule victime, mais deux au moins. Et ils puisent et boivent le vin sans mesure. Certes, les richesses de mon maître étaient grandes. Aucun héros n'en avait autant, ni sur la noire terre ferme, ni dans Ithaque elle-même. 20 hommes n'ont point tant de richesses. Je t'en ferai le compte. 12 troupeaux de bœufs sur la terre ferme, autant de brebis, autant de porcs, autant de larges étables de chèvres. Le tout est surveillé par des pasteurs étrangers. Ici, à l'extrémité de l'île, 11 grands troupeaux de chèvres paissent sous la garde de bons serviteurs. Et chacun de ceux-ci mène tous les jours au prétendant la meilleure des chèvres engraissées. Et moi, je garde ces porcs et je les protège. Mais j'envoie aussi au prétendant le meilleur et le plus gras. Il parla ainsi, et Odysseus mangeait les chairs et buvait le vin en silence, méditant le malheur des prétendants. Après qu'il eut mangé et bu et satisfait son âme, Eumaïos lui remit plein de vin la coupe où il avait bu lui-même. Et Odysseus la reçut, et joyeux dans son cœur, il dit à Eumaïos ces paroles ailées. Ô ami, quel est cet homme qui t'a acheté de ses propres richesses, et qui, dis-tu, était si riche et si puissant? Tu dis aussi qu'il a péri pour la cause d'Agamemnon. Dis-moi son nom, car je le connais peut-être. Zeus et les autres dieux immortels savent en effet, si je viens vous annoncer, que je l'ai vu, car j'ai beaucoup erré. Et le chef des porchers lui répondit. Ô vieillard, aucun voyageur errant et apportant des nouvelles ne persuadera sa femme et son cher fils. Que de mendiants affamés mentent effrontément et ne veulent point dire la vérité. Chaque étranger qui vient parmi le peuple d'Ithaque va trouver ma maîtresse et lui fait des mensonges. Elle les reçoit avec bonté, les traite bien et les interroge sur la chose. Puis elle gémit et les larmes tombent de ses paupières, comme c'est la coutume de la femme dont le mari est mort. Et toi, vieillard, tu inventerais aussitôt une histoire, afin qu'elle te donnât un manteau, une tunique, des vêtements. Mais déjà les chiens rapides et les oiseaux carnassiers ont arraché sa chair de ses os, et il a perdu l'âme, ou les poissons l'ont mangé dans la mer, et ses os gisent sur le rivage, couverts d'un monceau de sable. Il a péri ainsi, laissant à ses amis et à moi de grandes douleurs, car dans quelque lieu que j'aille, je ne trouverai jamais un autre maître aussi bon. Même quand j'irai dans la demeure de mon père et de ma mère, là où je suis né et où ceux-ci m'ont élevé. Et je ne les pleure point tant, et je ne désire point tant les voir de mes yeux sur la terre de ma patrie, que je ne suis saisi du regret d'Odysseus absent. Et maintenant qu'il n'est point là, ô étranger, je le respecte en le nommant, car il m'aimait beaucoup et prenait soin de moi. C'est pourquoi je l'appelle mon frère aîné, bien qu'il soit absent au loin. Et le patient et divin Odysseus lui répondit. Ô ami, puisque tu nies mes paroles, et que tu affirmes qu'il ne reviendra pas, ton esprit est toujours incrédule. Cependant, je ne parle point au hasard, et je jure par serment qu'Odysseus reviendra. Qu'on me récompense de cette bonne nouvelle quand il sera rentré dans ses demeures. Je n'accepterai rien auparavant, malgré ma misère. Mais alors seulement, qu'on me donne des vêtements, un manteau et une tunique. Il m'est odieux, non moins que les portes d'Hadès, celui qui, poussé par la misère, parle faussement. Que Zeus, le premier des dieux, le sache. Et cette table hospitalière est le foyer de l'irréprochable Odysseus où je me suis assis. Certes, toutes les choses que j'annonce s'accompliront. Odysseus arrivera ici, dans cette même année, même à la fin de ce mois, même dans peu de jours, il rentrera dans sa demeure, et il punira chacun de ceux qui outragent sa femme et son illustre fils. Et le porcher Eumaios lui répondit. Ô vieillard, je ne donnerai point cette récompense d'une bonne nouvelle, car jamais Odysseus ne reviendra vers sa demeure. Bois donc en repos, ne parlons plus de cela, et ne me rappelle point ces choses, car je suis triste dans mon cœur, quand quelqu'un se souvient de mon glorieux maître. Mais j'accepte ton serment, qu'Odysseus revienne, comme je le désire, ainsi que Pénélope, le vieux Laërte et le divin Télémaque. Maintenant je gémis sur cet enfant, Télémaque, qu'a engendré Odysseus, et que les dieux ont nourri comme une jeune plante. J'espérais que parmi les hommes, il ne serait inférieur à son père bien-aimé, ni en sagesse, ni en beauté. Mais quelqu'un d'entre les immortels, ou d'entre les hommes, a troublé son esprit calme, et il est allé vers la divine Pylos pour s'informer de son père, et les prétendants insolents lui tendent une embuscade au retour, afin que la race du divin Arcésios périsse entièrement dans Ithaque. Mais laissons-le, soit qu'il périsse, soit qu'il échappe, et que le Cronion le couvre de sa main. Pour toi, vieillard, raconte-moi tes malheurs, et parle avec vérité, afin que je t'entende. Qui es-tu? Quel est ton peuple? Où sont tes parents et ta ville? Sur quelle nef es-tu venu? Comment des marins t'ont-ils amené à Ithaque? Qui sont-ils? Car je ne pense pas que tu es venu ici à pied. Et le subtil Odysseus lui répondit. Je te dirai en effet ces choses avec vérité, mais quand même cette nourriture et ton vin doux dureraient un long temps, quand même nous resterions ici mangeant tranquillement tandis que d'autres travaillent, il me serait facile pendant toute une année de te raconter les douleurs que j'ai subies par la volonté des dieux. Je me glorifie d'être né dans la vaste Crète et d'être le fils d'un homme riche. Beaucoup d'autres fils lui étaient nés dans ces demeures d'une femme légitime et y avaient été élevés. Pour moi, c'est une mère achetée et concubine qui m'a enfanté. Mais Castor, Ilakide, m'aima autant que ses enfants légitimes. Et je me glorifie d'avoir été engendré par lui, qui, autrefois, était honoré comme un dieu par les Crétois, à cause de ses domaines, de ses richesses et de ses fils illustres. Mais les cares de la mort l'emportèrent aux demeures d'Hédès. Et ses fils magnanimes partagèrent ses biens et les tirèrent au sort. Et ils m'en donnèrent une très petite part avec sa maison. Mais, par ma vertu, j'épousai une fille d'homme très riche, car je n'étais ni insensée ni lâche. Maintenant tout est flétri en moi. Mais cependant, tu peux juger en regardant le chaume, et certes j'ai subi des maux cruels. Arès et Athéna m'avaient donné l'audace et l'intrépidité, et qu'en méditant la perte des ennemis, je choisissais des hommes braves pour une embuscade, jamais en mon cœur courageux je n'avais la mort devant les yeux. Mais, courant au premier rang, je tuai de ma lance celui des guerriers ennemis qui me le cédait en agilité. Tel j'étais dans la guerre, mais les travaux et les soins de la famille, par lesquels on élève les chers enfants, ne me plaisaient point. Et j'aimais seulement les nefs armées d'aviron, les combats, les traits aigus et les flèches, et ces armes cruelles qui sont horribles aux autres hommes me plaisaient, car un dieu me les présentait toujours à l'esprit. Ainsi, chaque homme se réjouit de choses différentes. En effet, avant que les fils des Achéens eussent mis les pieds devant Troie, j'avais 9 fois commandé des guerriers et des nefs rapides contre des peuples étrangers, et tout m'avait réussi. Je choisissais d'abord ma part légitime du butin, et je recevais ensuite beaucoup de dons, et ma maison s'accroissait, et j'étais craint et respecté parmi les Crétois. Mais quand l'irréprochable Zeus eut décidé cette odieuse expédition qui devait rompre les genoux à tant de héros. Alors les peuples nous ordonnèrent à moi et à l'illustre Idoménée de conduire nos nefs à Ilios, et nous ne pûmes nous y refuser à cause des rumeurs menaçantes du peuple. Là, nous, fils des Achéens, nous combattîmes pendant 9 années, et la 10e, ayant saccagé la ville de Priam, nous revînmes avec nos nefs vers nos demeures. Mais un dieu dispersa les Achéens. Mais à moi, malheureux, le sage Zeus imposa d'autres maux. Je restai un seul mois dans ma demeure, me réjouissant de mes enfants, de ma femme et de mes richesses. Et mon cœur me poussa ensuite à naviguer vers l'Égypte sur mes nefs bien construites, avec de divins compagnons. Et je préparai 9 nefs, et aussitôt les équipages en furent réunis. Pendant 6 jours, mes chers compagnons prirent de joyeux repas, car j'offris beaucoup de sacrifices aux dieux, et en même temps des mets à mes hommes. Le 7e jour, étant parti de la grande Crète, nous naviguâmes aisément au souffle propice de Boréas, comme au courant d'un fleuve, et aucune de mes nefs n'avait souffert, mais en repos, et sains et saufs, nous arrivâmes assis, et le vent et les pilotes conduisaient les nefs. Et le 5e jour, nous parvîmes au bord du fleuve Égypte. Et j'arrêtai mes nefs recourbées dans le fleuve Égypte. Là, j'ordonnai à mes chers compagnons de rester près des nefs pour les garder, et j'envoyai des éclaireurs pour aller à la découverte. Mais ceux-ci, égarés par leur audace et confiants dans leur force, dévastèrent aussitôt les beaux champs des hommes égyptiens, entraînant les femmes et les petits-enfants et tuant les hommes. Et aussitôt le tumulte arriva jusqu'à la ville, et les habitants, entendant ces clameurs, accoururent au lever des hosses, et toute la plaine se remplit de piétons et de cavaliers, et de l'éclat de l'airain. Et le foudroyant Zeus mit mes compagnons en fuite, et aucun d'eux ne soutint l'attaque, et la mort les environna de toutes parts. Là, un grand nombre des nôtres fut tué par l'airain aigu, et les autres furent emmenés vivants pour être esclaves. Mais Zeus lui-même mit cette résolution dans mon esprit. Plutôt Dieu que j'eusse dû mourir en Égypte et subir ma destinée, car d'autres malheurs m'attendaient. Ayant aussitôt retiré mon casque de ma tête et mon bouclier de mes épaules, et jeté ma lance, je courus aux chevaux du roi, et j'embrassai ses genoux, et il eut pitié de moi, et il me sauva. Et m'ayant fait monter dans son char, il m'emmena dans ses demeures. Certes, ces guerriers m'entouraient, voulant me tuer de leurs lances de frêne, car ils étaient très irrités. Mais il m'arracha à eux, craignant la colère de Zeus hospitalier, qui châtie surtout les mauvaises actions. Je restai là 7 ans, et j'amassai beaucoup de richesses parmi les Égyptiens, car tous me firent des présents. Mais vers la 8e année, arriva un homme de la Phoïnikiée, plein de mensonges, et qui avait déjà causé beaucoup de maux aux hommes. Et il me persuada par ses mensonges d'aller en Phoïnikiée, où était sa demeure et ses biens. Et je restai là 1 année entière auprès de lui. Et quand les jours et les mois se furent écoulés, et que l'année étant accomplie, les saisons revinrent, il me fit monter sur une nef, sous prétexte d'aller avec lui conduire un chargement en Libye, mais pour me vendre et retirer de moi un grand prix. Et je le suivis, le soupçonnant, mais contraint. Et la nef, poussée par le souffle propice de Boréas, approchait de la Crète, quand Zeus médita notre ruine. Et déjà nous avions laissé la Crète, et rien n'apparaissait plus que l'Ouranos et la mer. Alors, le Cronion suspendit une nuée noire sur la nef creuse, et sous cette nuée toute la mer devint noire aussi. Et Zeus tonna, et il lança la foudre sur la nef, qui se renversa, frappée par la foudre de Zeus, et se remplit de fumée. Et tous les hommes furent précipités de la nef, et ils étaient emportés comme des oiseaux de mer, par les flots autour de la nef noire, et un dieu leur refusa le retour. Alors Zeus me mit entre les mains le long mât de la nef à proue bleue, afin que je pusse fuir la mort. Et l'ayant embrassé, je fus la proie des vents furieux. Et je fus emporté pendant 9 jours, et dans la 10e nuit noire, une grande lame me jeta sur la terre des Thesprotes. Alors le héros Phédon, le roi des Thesprotes, m'accueillit généreusement, car je rencontrai d'abord son cher fils, et celui-ci me conduisit, accablé de froid et de fatigue, et me soutenant de la main, m'emmena dans les demeures de son père, et celui-ci me donna des vêtements, un manteau et une tunique. Là, j'entendis parler d'Odysseus. Phédon me dit que, lui ayant donné l'hospitalité, il avait traité en ami, comme il retournait dans la terre de sa patrie. Et il me montra les richesses qu'avait réunies Odysseus, de l'airain, de l'or et du fer très difficile à travailler, le tout assez abondant pour nourrir jusqu'à sa 10e génération. Et tous ces trésors étaient déposés dans les demeures du roi. et celui-ci me disait qu'Odysseus était allé à Dodone pour apprendre du grand chêne la volonté de Zeus, et pour savoir comment, depuis longtemps absent, il rentrerait dans la terre d'Ithaque, soit ouvertement, soit en secret. Et Phédon me jura, en faisant délibation dans sa demeure, que la nef et les hommes étaient prêts, qui devaient conduire Odysseus dans la chère terre de sa patrie. Mais il me renvoyait d'abord, profitant d'une nef des Thesprotes qui allait à Doulichios. Et il ordonna de me mener au roi Acastos. Mais ces hommes prirent une résolution funeste pour moi, afin sans doute que je subisse toutes les misères. Quand la nef fut éloignée de la terre, ils songèrent aussitôt à me réduire en servitude. Et m'arrachant mon vêtement, mon manteau et ma tunique, ils jetèrent sur moi ce misérable haillon et cette tunique déchirée telle que tu les vois. Vers le soir, ils parvinrent au champ de la riante Ithaque, et ils me lièrent au banc de la nef avec une corde bien tordue. Puis ils descendirent sur le rivage de la mer pour prendre leur repas. Mais les dieux eux-mêmes détachèrent aisément mes liens. Alors, enveloppant ma tête de ce haillon, je descendis à la mer par le gouvernail. Et pressant l'eau de ma poitrine et nageant des deux mains, j'abordai très loin d'eux. Et je montai sur la côte, là où croissait un bois de chêne touffu, et je me couchai contre terre. Et ils me cherchaient en gémissant, mais, ne me voyant point, ils jugèrent qu'il était mieux de ne plus me chercher, car les dieux m'avaient aisément caché d'eux, et ils m'ont conduit à l'étable d'un homme excellent, puisque ma destinée est de vivre encore. Et le porcher, Eumaios, lui répondit. Étranger très malheureux, certes tu as fortement ému mon cœur en racontant les misères que tu as subies et tes courses errantes, mais en parlant d'Odysseus je pense que tu n'as rien dit de sage. Et tu ne me persuaderas point. Comment un homme tel que toi peut-il mentir aussi effrontément? Je sais trop que penser du retour de mon maître. Certes il est très odieux à tous les dieux, puisqu'ils ne l'ont point dompté par la main des Troyens, et puisqu'ils ne lui ont point permis, après la guerre, de mourir entre les bras de ses amis. Car tous les Achéens, lui, eussent élevé un tombeau, et une grande gloire eût été accordée à son fils dans l'avenir. Et maintenant, les harpies l'ont déchiré sans gloire, et moi, séparé de tous, je reste auprès de mes porcs. Et je ne vais point à la ville, si ce n'est quand la sage Pénélope m'ordonne d'y aller, quand elle a reçu quelques nouvelles. Et alors tous s'empressent de m'interroger, ceux qui s'attristent de la longue absence de leur roi et ceux qui se réjouissent de dévorer impunément ses richesses. Mais il ne m'est point agréable de demander ou de répondre, depuis qu'un Étolien m'a trompé par ses paroles. Ayant tué un homme, il avait erré en beaucoup de pays, et il vint dans ma demeure, et je le reçus avec amitié. Il me dit qu'il avait vu parmi les Crétois auprès d'Idoménée mon maître, réparant ses nefs que les tempêtes avaient brisées. Et il me dit qu'Odysseus allait revenir, soit cet été, soit cet automne, ramenant de nombreuses richesses avec ses divins compagnons. Et toi, vieillard, qui as subi tant de maux, et que la destinée a conduit vers moi, ne cherche point à me plaire par tes mensonges, car je ne t'honorerai ni ne t'aimerai pour cela. Mais par respect pour Zeus hospitalier, et par compassion pour toi. Et le subtil Odysseus lui répondit. Certes, tu as dans ta poitrine un esprit incrédule, puisqu'ayant juré par serment, je ne t'ai point persuadé. Mais faisons un pacte, et que les dieux qui habitent l'Olympe soient témoins. Si ton roi revient dans cette demeure, donne-moi des vêtements, un manteau et une tunique, et fais-moi conduire à Doulichios, ainsi que je le désire. Mais si ton roi ne revient pas, comme je te le dis, ordonne à tes serviteurs de me jeter du haut d'un grand rocher, afin que désormais, un mendiant craigne de mentir. Et le divin porcher lui répondit. Étranger, je perdrai ainsi ma bonne renommée et ma vertu parmi les hommes. Maintenant et à jamais, moi qui t'ai conduit dans mon étable et qui t'ai offert les dons de l'hospitalité, si je te tuais et si je t'arrachais ta chère âme. Comment supplierai-je ensuite le crognon Zeus? Mais voici l'heure du repas, et mes compagnons vont arriver promptement, afin que nous préparions un bon repas dans l'étable. Tandis qu'ils se parlaient ainsi, les porcs et les porchers arrivèrent, et ils enfermèrent les porcs, comme de coutume pour la nuit, et une immense rumeur s'éleva du milieu des animaux qui allaient à l'enclos. Puis le divin porcher dit à ses compagnons. Amenez-moi un porc excellent, afin que je le tue pour cet hôte qui vient de loin. Et nous nous en délecterons aussi, nous qui souffrons beaucoup, et qui surveillons les porcs aux dents blanches, tandis que d'autres mangent impunément le fruit de notre travail. Ayant ainsi parlé, il fendit du bois avec les reins tranchants, et les porchers amenèrent un porc très gras, ayant 5 ans, et ils l'étendirent devant le foyer. Mais Eumaios n'oublia point les immortels, car il n'avait que de bonnes pensées, et il jeta d'abord dans le feu les soies des têtes du porc, aux dents blanches. Et il pria tous les dieux, afin que le subtil Odysseus revînt dans ses demeures. Puis, levant les bras, il frappa la victime d'un morceau de chêne qu'il avait réservé, et la vie abandonna le porc. Et les porchers l'égorgèrent, le brûlèrent et le coupèrent par morceaux, et Eumaios, retirant les entrailles saignantes qu'il recouvrit de la graisse prise au corps, les jeta dans le feu, après les avoir saupoudrés de fleurs de farine d'orge. Et les porchers, divisant le reste, traversèrent les viandes de broche, les firent rôtir avec soin, et les retirèrent du feu. Puis ils les déposèrent sur des disques. Eumaios se leva, faisant les parts, car il avait des pensées équitables. Il fit en tout 7 parts. Il en consacra une aux nymphes et à Hermès, fils de Maïa. Et il distribua les autres à chacun, mais il honora Odysseus du dos entier du porc aux dents blanches. Et le héros, le subtil Odysseus, s'en glorifia et dit à Eumaios. Plaise, ô Dieu, Eumaios, que tu sois toujours cher au père Zeus, puisque tel que je suis, tu m'as honoré de 7 parts excellentes. Et le porcher Eumaios lui répondit. Mange heureusement, mon hôte, et délecte-toi de ces mets tels qu'ils sont. Un dieu nous les a donnés, et nous laissera en jouir s'il le veut, car il peut tout. Il parla ainsi et il offrit les prémices aux dieux éternels. Puis, ayant fait des libations avec du vin rouge, il mit une coupe entre les mains d'Odysseus, destructeur de citadelles, et celui-ci s'assit devant le dos du porc. Et Mésolios, que le chef des porchers avait acheté en l'absence de son maître, et sans l'aide de sa maîtresse et du vieux Laerte, distribua les parts. Il avait acheté de ses propres richesses à des Taphiens. Et tous étendirent les mains vers les mets placés devant eux, et après qu'ils eurent assouvi le besoin de boire et de manger, Mésolios enleva le pain, et tous, rassasiés de nourriture, allèrent à leur lit. Mais la nuit vint, mauvaise et noire, et Zeus plut toute la nuit, et le grand Zéphyr soufflait chargé d'eau. Alors Odysseus parla ainsi, pour éprouver le porcher qui prenait tant de soin de lui, afin de voir si, retirant son propre manteau, il le lui donnerait, ou s'il avertirait un de ses compagnons. Écoutez-moi maintenant, toi, Eumaios, et vous, ses compagnons, afin que je vous parle en me glorifiant, car le vin insensé m'y pousse, lui qui excite le plus sage à chanter, à rire, à danser, et à prononcer des paroles qu'il eût été mieux de ne pas dire. Mais dès que j'ai commencé à être bavard, je ne puis rien cacher. Plutôt Dieu que je fusse jeune et que ma force fût grande, comme au jour où nous tendîmes une embuscade sous Troie. Les chefs étaient Odysseus et l'Atride Ménélas, et je commandais avec eux, car ils m'avaient choisi eux-mêmes. Quand nous fûmes arrivés à la ville, sous la haute muraille, nous nous couchâmes avec nos armes, dans un marais, au milieu des roseaux et de broussailles épaisses. La nuit vint, mauvaise, et le souffle de Boréas était glacé, puis la neige tomba froide, et le givre couvrait nos boucliers. Et tous avaient leurs manteaux et leurs tuniques, et ils dormaient tranquilles, couvrant leurs épaules et leurs boucliers. Pour moi, j'avais laissé mon manteau à mes compagnons comme un insensé, mais je n'avais point pensé qu'il dût faire un si grand froid, et je n'avais que mon bouclier et une tunique brillante. Quand vint la dernière partie de la nuit, à l'heure où les astres s'inclinent, ayant touché du coude Odysseus qui était près de moi, je lui dis ces paroles qu'il comprit aussitôt. Divin Laertiade, subtil Odysseus, je ne vivrai pas longtemps, et ce froid me tuera, car je n'ai point de manteau et un démon m'a trompé en me persuadant de ne prendre que ma tunique. Et maintenant, il n'y a aucun remède. Je parlais ainsi, et il médita aussitôt un projet dans son esprit, aussi prompt qu'il était toujours pour délibérer ou pour combattre. Et il me dit à voix basse. Tais-toi maintenant, de peur qu'un autre parmi les Achéens t'entende. Il parla ainsi, et appuyé sur le coude, il dit. Écoutez-moi, ami, un songe divin m'a réveillé. Nous sommes loin des nefs, mais qu'un de nous aille prévenir le prince des peuples, l'Atride Agamemnon, afin qu'il ordonne à un plus grand nombre de sortir des nefs et de venir ici. Il parla ainsi, et aussitôt Thoas, Andrémonide, se leva, jeta son manteau pourpré et courut vers les nefs. Et je me couchai oiseusement dans son manteau, jusqu'à la clarté d'Éos, au trône d'or. Plutôt Dieu que je fusse aussi jeune, et que ma force fût aussi grande. Un des porchers qui était dans ses étables me donnerait un manteau par amitié et par respect pour un homme brave. Mais maintenant, je suis méprisé à cause des misérables haillons qui me couvrent le corps. Et le porcher Eumaios lui répondit. Ô vieillard, tu as raconté une histoire irréprochable, et tu n'auras point dit en vain une parole excellente. C'est pourquoi tu ne manqueras ni de manteau, ni d'aucune chose qui convienne à un suppliant malheureux venu de loin. Mais au matin, tu reprendras tes haillons, car ici nous n'avons pas beaucoup de manteaux, ni de tuniques de rechange, et chaque homme n'en a qu'une. Quand le cher fils d'Odysseus sera revenu, il te donnera lui-même des vêtements, un manteau et une tunique, et il te conduira où ton cœur désire aller. Ayant ainsi parlé, il se leva, approcha le feu du lit de peau de chèvre et de brebis où Odysseus se coucha, et il jeta sur lui un grand et épais manteau de rechange, et dont il se couvrait quand les mauvais temps survenaient. Et Odysseus se coucha, et auprès de lui les jeunes porchers s'endormirent. Mais il ne plut point à Eumaios de reposer dans son lit loin de ses ports, et il sortit armé. Et Odysseus se réjouissait qu'il prit tant de soin de ses biens pendant son absence. Et d'abord Eumaios mit une épée aiguë autour de ses robustes épaules. Puis il se couvrit d'un épais manteau qui garantissait du vent. Et il prit aussi la peau d'une grande chèvre, et il saisit une lance aiguë pour se défendre des chiens et des hommes. Et il alla dormir où dormaient ses porcs, sous une pierre creuse, à l'abri de Boréas.